La maison serait pleine de rosée et de guêpes. On y entendrait l'après-midi sonner les vêpres. Et les raisins couleur de pierre transparente sembleraient dormir au soleil sous l'ombre brûlante. Je te donne tout mon cœur qui a 24 ans et mon esprit moqueur en vers une poésie de rose blanche. Et pourtant je ne te connais pas, et pourtant tu n'existes pas. Le goût des raisins blonds, des roses rouges.